2007. Toutes les icônes de ma jeunesse que j'ai vu disparaître. Je vous ferai grâce d'une nécrologie exhaustive. Mais citons pour mémoire les principaux convives de la grande faucheuse qui nous priva soudain. De Raymond DeVos, Carlos et Jacques Martin. J'ai un gros doute par contre pour celui qui vient. Alors, est-il tout racorni? Refroidi, est-il mort? Plastique. Plastique Bertrand, est-il mort? Plastique. Plastique Bertrand, est-il mort? S'est-il brûlé les ailes et son cul de bakélite? A-t-il été fondu et recyclé en tupperware? Est-il devenu une femme? S'est-il fait raboter la bite? Et plane-t-il encore? S'est-il craché en forêt noire? C'est pas grave, mon idole, si tes liftings sont flagrants. Si tu n'es plus chargé comme une pile électrique, c'est pas grave, mon plastique, d'avoir eu 70 ans. Moi j'en ai presque 60 et j'ai toujours la tricard plastique. Je sais que tu n'es pas mort. Pas mort. Est-il mort? Non, non, non. Plastique. Plastique Bertrand, est-il mort? Non, non, non. Plastique. Plastique Bertrand, est-il mort? Oh, ouais.